seul pour changer. Et ça l'est là yo. On nourrira un espoir si moi comme yo kené na yo. Ma paix aux autres salangai. Et ça n'a bien la bas effet. Ce qui continue pour moi, moi nous solo kaliwa. Tango nga la mi pesi corps. Am esprit a wene. Amour nanga est comme injoignable. Ça y en a zambindo, quel est le cola moto libre maï. Pene na yo na sina soa ki forme pe couleur love. Bakir nyo soya bolingo nga na respecta ki. Love comme yo lobali, sousou salaka inkirable. Faso yo le li singai, kole la koutou bebe basu ale li inge. Zonga nuki, paninga bazo flatenga na zola lao. Koume la te, juste un peu d'amour pour na vivre un peu. Portail, pour moi ton angazina, ma peine à sala qui au sala, pour sala bien maman. N'a comme qui t'a désaccordé, à quoi accorder l'on aïe. N'a déjà tombé, bibi, j'ai tombé, Annie des mots. Souci est envahir, mon thème en angaï, n'a jeune plante, n'a zoban à moi, yon des fleuris n'a aïe. Ya ko sekirize ngai Gisele, zinao. Esina kuma deprime na bolingo na yo. Mokumbe toko toko jama le lambute ya je chéri. Mama ya kato bungisa. Maboko notre tendre koli kalisa la soso. Soki osi minga na komexite ba chiki chiki. Mama ya kato bumisa. Jisel si na sala na du. Nesika na ngai. Koyo komo chanje ata e saleli na yo. Pare pos na yo afer ngai. E komyo lengisa ngai. Jisel si na sala na du. Poyo komo chanje ata e saleli na yo. Bona vanter krisa ngobo a komyo lingi sangai. Parto salana nu. Nesika nangai. Poyo komo chanje ata e saleli na yo. Pare pos na yo anfer ngai e komyo lingi sangai. Parto salana nu. Parto kote kango ete. Parto sala nanu. Parto kopo yangate. Parto kote kango ete. Parto kopo yangate. Parto kote kango ete. Parto kopo yangate. Parto kote kango ete. Pato kobo ya ngati, Jisel si na e. Oko ta ngati na makila si na e. Yomo tu seki saka ngana butu. Basi kisika osala kanga si na e. Oko ta ngati na makila si na e. Yomo tu seki saka ngana butu. Basi kisika osala kanga sina e. Soki na tele loketo na yo ya tatu blina beliko. Ya jiru si amele. Parto kobo ya ngati. Parto koti kangati. Parto kobo ya ngati. Parto koti kangati. Parto kobo ya ngati. Kobo ya ngati. Oh, les face à maman, les milliardaires et l'eau, les kitsikesate. Kitaka.